cherche un truc, j'y pète sa mère. Que ma voix tape sur la grosse caisse, résonne sur la caisse claire. Sur la caisse claire, qu'est-ce que le public écoute? Qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? Des sentiments tristes, des doutes, ou plutôt un truc qui les fera se percher sur la piste de danse. C'est l'apocalypse man, un peu comme dans le pic de Dante. On a l'appétit d'un fauve, on a la dalle. Que les faux s'écartent, les pupilles s'écarquillent. Le son fait mal jusqu'aux omoplates. Yeah. La plume vaut de l'or, ou peut-être pas. Celle d'Eminem s'estime en millions de dollars. Si on perce pas, t'inquiète, je dirais juste dommage. La plume est élégante. Le message plus important de voir rentrer dans la légende. Un peu comme moi sans doute, un peu comme tout en fait. Trop bête, certains MC sont des trompettes. Et faut du bruit quand même, comme quoi la masse est facile à berner. Que les artistes aillent percer, les gens de bon son. Je veux percer, je me console sur la console. Sur ce que je consomme, t'as vu la qualité de la prod. Que les gens décollent. Pas de leçons à donner, l'industrie du disque la connaît pas. Je donne mon point de vue par rapport à ce que je vois, mon vécu. Par rapport à ce qu'ils nous montrent, ce qu'ils nous laissent croire. Les messages qu'ils nous envoient, le vrai, le faux, sans poids. Bienvenue dans la matrice, je parle pas que disque. Comment écrire un classique, s'attache au peu qu'on a tel des chiens. Le système est niqué, pas besoin de faire un dessin. Pendant que pour un plateau télé ça fait des baisse mains. Parfois je me dis que le rap français n'est pas à la hauteur. Je te parle pas que Tony Parker.